Les beaux esprits, un conte de Kyla Cilion, avec l'aimable autorisation de l'auteur. Lue par Sabine pour audiocité.net, sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. Chapitre 1. Venu au monde. Il y a fort longtemps, un magnifique royaume se dressait, aérien, au sommet de la belle et édifiante montagne d'Agarondi. C'était un vaste empire, constitué de grandes tours jumelles et des bastions ronds, dont les plantes ligneuses étreignaient fermement la pierre. Il était peuplé d'honorables voyageurs, et chaque année, les fils du temps en amenaient davantage. Des seigneurs puissants et leurs compagnes, principaux vassaux des terres anciennes, aussi bien les plus vaillants et les plus prestigieux des chevaliers. Le royaume grouillait continuellement des plus ornés des ménétriers, poètes et troubadours, qui étaient souvent sollicités lors des tournois de joute. Le pont-levis de bois ressemblait à une grande bouche béante, d'où sortaient, selon les conquêtes, les chevaliers en armure sur les fidèles destriers. Tout luisait, épais, poignards, cuirasses, et lorsque la nuit tombait, les tours géantes se dressaient, droites comme un i, semblables à un immense doigt désignant la lune. Un jour, la reine Elmifasa mit au monde son premier enfant. Hélas, sa joie fut de courte durée. Le nouveau-né était si repoussant que ses parents eurent un doute sur son humanité. Elmifasa était si peinée d'avoir mis au monde un tel enfant, aux normes sans harmonie, que ses pleurs émurent toutes les fées des environs, dont Ergan, qui décida de faire un magnifique présent au petit prince. Perchée sur son berceau, elle agita vélocement des ailes et lui fit cadeau d'avoir beaucoup d'esprit. Elle ajouta même que ceux qui se trouveraient en présence du prince pourraient profiter de son incroyable talent. La reine, rassurée par ce geste miséricordieux, remercia Ergan en la nommant officiellement enchanteresse du royaume. Ainsi, le temps continua de se déployer comme un éventail à Agarondi. Le petit Asgon grandit au milieu des sujets, qui étaient autant intrigués par sa laideur que par son éloquence. Quelques années de plus s'écoulèrent, et Elmifasa devait bien admettre que son petit prince, au visage disgracieux, éveillait de merveilleuses idées. Elles étaient aussi délicates que les nuages qui flottaient dans l'air des immenses vestibules du château. Ses pensées, aux fragrances doucereuses, enchantaient tout le royaume qui sentait bon la gentillesse. Ses idées étaient telles qu'elles avaient le pouvoir d'effacer les traits inélégants du jeune homme. En bas de la montagne d'Agarondi se trouvait une autre cité, du nom de Linwood, où la reine d'Orient avait donné naissance à deux petites princesses. Ce petit empire vivait au rythme des saisons, car la nature pourvoyait à tout. Entouré par de vastes forêts denses et épaisses, le fief était quasiment invisible. Les bouleaux, les cèdres et les conifères formaient une barrière naturelle. Les assaillants se faisaient rares, car cela faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de conflit entre les différents souverains qui peuplaient la surface du monde. Ainsi, les Linwoodiens félicitèrent, comme il se doit, la reine pour cet heureux événement. La première, Flora, était si belle que l'on disait souvent que sa beauté était un présent des étoiles. Scintillant de mille feux, la regarder en face faisait mal aux yeux. Dorian craignait déjà que sa splendeur lui soit préjudiciable et s'inquiétait énormément. À nouveau, la marraine enchanteresse fut sensible à ce chagrin et décida de lui porter secours, comme quelques années auparavant pour la reine Elmifasa. Elle se pencha au-dessus du berceau de la petite princesse et battit trois fois de ses frêles ailes translucides. Le charme était scellé. Flora conservera sa beauté, mais la princesse sera dépourvue d'esprit. La reine Doriane fut surprise par cette gracieuseté, mais accepta le marché, car sa deuxième fille, Hila, était d'une grande laideur. Alors Ergan l'honora du même don qu'Asgon. L'enchantement était clos. Hila possédera un somptueux esprit et aura le pouvoir de rendre surprenant tout ce qui lui plaira. La souveraine remercia l'enchanteresse pour sa bonne grâce et attendit que Dame Nature fasse son œuvre. Chapitre 2. Un jour, une autre nuit. Flora et Hila grandirent avec leurs dons singuliers. Bien souvent, les sujets de la cour de Linwood s'extasiaient devant les jeunes princesses. Il n'y avait pas un seul jour automnal où les seigneurs ne se pâmaient devant la beauté de Flora, ou d'un jour printanier où ils demeuraient ébahis devant l'esprit vif d'Hila. Malheureusement, il y avait tout autant de clabaudages. Aussitôt le dos tourné, les mêmes sujets étaient enclins à exprimer moins de complaisance à l'égard des deux sœurs princières. Ils se moquaient des sottises de l'aînée, qui n'arrivait pas à retenir un discours, ou bien de l'étonnante dysmorphie de la cadette. Lors des banquets, les serviteurs effectuaient leurs incessants va-et-vient, et les conversations se déroulaient toujours de la même manière. Les convives dévoraient en silence la beauté de Flora, entre les plateaux de cuisson de cerf, de cuisses de poulet aux pommes et des terrines de saucisses aux haricots. Puis, quand la princesse avait épuisé son conciliabule, les convives se tournaient vers Hila. Et c'est en dévorant des petits pains sortis tout juste du four, accompagnés de prunes au miel, qu'il buvait ces paroles. À la manière des énormes pichets de puissant vin qui ne tarissaient jamais sur l'immense table. La reine Doriane ne pouvait s'empêcher de reprocher constamment à sa fille aînée son manque d'assiduité ainsi que sa légèreté d'esprit, tout en sachant pertinemment qu'il n'y avait plus rien à espérer. Souvent, elle se sentait honteuse d'avoir accepté les présents de la fée Ergane. Elle pestait contre son propre manque de jugement, tout en gardant à l'esprit que le destin de ses filles aurait pu être différent si son choix s'était porté sur Dame Nature. Un jour, comme à son habitude, et bien que dévouée, Flora fit une nouvelle sottise. Elle vint en aide à une petite camérière, dont le travail était de disposer convenablement les statuettes le long de la grande cheminée ornant le grand salon. Par malheur, la princesse en brisa plusieurs. Pour la reine, cette maladresse fut de trop. Un torrent de reproches déferla sur la pauvre Flora, qui sentit la peur palpiter au creux de sa poitrine. Effrayée par la fureur de sa mère, elle se dirigea vers la grande porte à l'ombre des tours. Face à la grande souveraine, Flora se sentait comme une puce que l'on s'apprête à écraser. L'aube était proche. Alors, sans se retourner, elle traversa le pont-levis de bois et, en mitouflée dans son long manteau, sa silhouette se faufila entre les arbres. Le bas de sa robe fut bientôt trempé par l'herbe scintillante de rosée, mais ce n'était rien en comparaison de son cœur tristement lourd et dont les mains étaient mouillées par les larmes. À Agarondi, le prince semblait accablé. La reine Elmifaza commençait sérieusement à se faire du souci pour l'héritier du royaume. Cela faisait plusieurs lunes déjà que le jeune homme n'avait pas quitté ses appartements. De plus, il renvoyait systématiquement tous les serviteurs qui lui portaient des plateaux remplis de pain et de raisins, des plats de viande ou du fromage. Morte d'inquiétude, la reine Elmifaza décida de lui rendre visite. « Noble enfant, serais-tu souffrant ?» Immobile, Asgun contemplait la brume matinale déployer son mystérieux manteau vaporeux sur les terres de son royaume. Même de loin, il pouvait deviner avec délectation les odeurs enivrantes de l'agrément rustique. Il soupira et à regret fit face à sa mère. « Si l'amour est une maladie, alors il me semble que je le suis. » Elmifaza serra un peu plus fort son mouchoir brodé pour cacher son trouble. « Ainsi donc, vous pensez être amoureux ?» Asgon, délivré de son secret, esquissa ce qui ressemblait fort à un sourire. « Oui, mère, et je souffre énormément. »« Mais comment cela est-ce possible ?» murmura Elmifaza, si esbrouffée par la nouvelle qu'elle en fit tomber son mouchoir sur le sol carrelé. Aussitôt, un serviteur délaissa les ombres pour jaillir dans la lumière. posté dans un renfoncement, il se précipita pour ramasser le carré de tissu brodé, qui disparut au fond de ses poches, et entendit un autre intact à la reine. Celle-ci le remercia par un geste élégant. « On dégoise à la cour, mère. D'ailleurs, cette situation m'attriste tellement que je n'ose plus apparaître, de peur d'entendre une nouvelle fois des merveilles sur cette muse. On harangue que sa beauté peut vous ôter la vue, que son sourire éblouit comme les rayons du soleil, et que sa peau est aussi opaline qu'un soir de pleine lune. » Enmifasa émit un long soupir. Ne s'agirait-il pas de la princesse Flora? Dans son fort intérieur, Asgon admonestait la perspicacité de la reine. Mais Enmifasa s'en doutait depuis fort longtemps. Les nouvelles circulaient plus promptement que les pigeons voyageurs. Elle avait eu vent de la beauté de cette jeune infante. La reine fut soudain rassérénée. Mieux valaient les symptômes de l'amour que les signes d'une véritable maladie. Elle laissa donc son fils aux rêveries d'un premier cœur qui chante. Chapitre 3 Amour dans les bois court toujours. En fin d'après-midi, Asgon décida de quitter ses appartements. Sa destination était une clairière isolée, un petit îlot de terre dont il connaissait le chemin par cœur. Vêtu d'une longue cape bleue, il attendait avec impatience un petit panier mandé par ses soins. Le sac en osier comprenait habituellement du pain et un pichet de vin. Après quelques minutes, un homme de peine déboula devant lui. Muni de ses victuailles, le prince quitta son château sous un ciel teinté du blanc des lys. Sans peine, il traversa le sentier en se frayant un passage à travers les ronces et les buissons qui lui fouaillaient les gigots. Mais à mesure qu'il progressait, ses douleurs s'envolèrent. L'atmosphère vrombissait du gazouillis des pinsons, des pluviers et des vanons. Asgon zigzaga entre les deux micromares qui s'étaient formés dans une des ornières. Quelques puffins cendrés y avaient fait une halte sommaire et y barbotaient joyeusement avant de retourner dans leur vaste grotte. Les brindilles et les feuilles sèches se rompirent sous le poids de ses pas comme des gâteaux secs. De temps à autre, un lièvre carapatait sous le regard amusé du jeune prince. Les branches des chênes supportaient de nombreux nids d'oiseaux dont la forme ressemblait étrangement au panier d'Asgon. Il lui suffisait de lever les yeux jusqu'à la branche la plus haute pour apercevoir une mer rouge que noire donner la becquée à ses oisillons. Soudain, il cessa sa préambulation. Une ombre incertaine était recroquevillée sur le rondin de bois où il avait coutume de s'asseoir. La gaieté ne régnait plus en maître dans ce lieu féerique. Seule une tristesse pesante flottait dans l'air. Les sanglots de l'ombre déchirèrent le cœur d'Asgon. Il décida de s'approcher sur la pointe des pieds de cette âme si fragile. Il écarta, subrepticement, quelques branchages qui le séparaient de cet ange, et s'assit à côté d'elle le plus naturellement du monde. Son bras effleura celui de Flora, qui, à ce coudoiement, sursauta en tentant de faire bonne figure. Sa première réaction fut de sécher discrètement ses larmes. En gentilhomme, Asgon lui tendit un mouchoir finement brodé qui éclaira Flora sur le rang social de ce visiteur impromptu. Elle afficha un sourire timide en guise de remerciement. La beauté de la demoiselle guida immédiatement Asgon sur l'identité de cet adorable inconnu. Son souhait avait été exaucé. Il était en présence de Flora. Devant son désarroi, il décida de ne pas en faire mention et demanda simplement « Comment se fait-il qu'une jeune femme telle que vous puisse montrer autant d'abattement et de solitude ?» Puis il ajouta sur un ton badin « Il m'est arrivé de rencontrer de belles dames, mais aucune n'égalait votre beauté. »« Comment pourriez-vous comprendre » hoqueta-t-elle. Flora se remémorait les derniers mots blessants de sa mère. Asgon demeura imperturbable, de peur de froisser sa belle muse. Il me semble que la beauté est une chose formidable pour quiconque la possède. Elle est la clé des charmes, elle a le pouvoir d'ouvrir les peines les plus sans cœur. Celui qui la détient devient le souverain suprême de son domaine. » Flora le fustigea d'un regard aussi noir que de l'encre. Et c'est avec la voix brisée par les larmes qu'elle lui lança. « Sachez, monsieur, que je préférerais porter le masque de la laideur, comme vous, plutôt que d'être attifé de ces monstrueux attirails de faux-semblants. Vous raisonnez convenablement, madame. N'est-ce point là la preuve d'un bel esprit ? Pas pour ceux qui ont la lourde tâche de me côtoyer à la cour. Je suis sotte, monsieur. Voilà la triste mais terrible réalité. » Asgon vit dans ce drame intime l'occasion de séduire Flora. « Si vous me le permettez, je peux soulager votre affliction. » La jeune princesse sursauta pour la deuxième fois en écarquillant ses jolis yeux émeraudes d'un air facétieux. « Seriez-vous magicien, monsieur ? Faites-moi l'honneur de m'appeler Asgon, ma chère Flora. « Oui, je sais comment vous vous nommez. » Prise de panique, Flora se leva, mais Asgon la retint doucement par le poignet. « N'ayez point peur de moi, ma douce amie. » Méfiante, Flora finit tout de même par se rasseoir. « Bien, dit le jeune prince soulagé par cette décision, j'ai le pouvoir de faire de vous un des plus beaux esprits qu'aucune cour n'a jamais eu le bonheur de fréquenter. Épousez-moi, et je vous fais la promesse solennelle que vous n'aurez plus jamais à souffrir d'aucun tourment, d'aucune sorte. » Flora resta sans voix devant cette demande d'union aussi rapide qu'insolite. D'autre part, elle devait se l'avouer, la laideur d'Asgon la répugnait un peu. La dernière phrase d'Asgon sonna comme un ultimatum. « Je vous accorde 30 lunes pour me répondre, ma chère princesse. » Puis il se leva et disparut dans les buissons, laissant Flora devant un terrible dilemme. Chapitre 4. On récolte toujours ce que l'on sème. À son retour à Linwood, Flora s'enferma dans ses appartements en faisant les 100 pas. On venait de lui proposer le mariage avec un beau présent à la clé. Cette intelligence et cette rationalité que sa sœur Hilla avait de manière innée. La cadette n'avait jamais eu besoin de se forcer pour apprendre les enseignements traditionnels propres aux dames de bon lignage, ni d'être maniérée pour cacher son trouble pendant un cours de broderie, de danse ou de chant. Finalement, Asgon lui servait ce dont elle avait toujours rêvé sur un plateau doré de surcroît. Bientôt, les remontrances continuelles de sa mère ne seraient plus que de mauvais souvenirs. Émue, son genou buta contre son petit secrétaire. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. C'est alors qu'elle prit la décision, celle de ne pas attendre les 30 lunes pour accorder sa main à Asgon. La reine et le roi furent fous de joie de rallier leur royaume au puissant domaine d'Agarondi. Ils ne furent pas choqués par la laideur d'Asgon, habituée à celle de leur fille, et convaincus que la beauté et avoir de l'esprit ne se mélangeaient pas. Ils accueillirent ce mariage comme une bénédiction. Au bout d'une année, Flora était devenue méconnaissable. Son esprit distrait avait cédé la place à un sens hors du commun. Pendant les banquets, il lui arrivait même de faire de l'ombre à sa cadette, qui semblait dorénavant briller par sa laideur. Dégourdie et finaude, elle apparaissait comme une redoutable stratège et conseillait habilement son époux pour préserver la paix entre les différents royaumes. Tous les princes des environs enviaient beaucoup Asgon. Mais Flora n'était plus sotte et demeurait fidèle à celui qui lui avait ouvert son cœur, ainsi que les portes d'un savoir sans limite. Hélas, sa dévotion n'évitait pas les innombrables railleries. Beaucoup de nobles ne se gênaient pas pour se moquer ouvertement du prince, ce qui ramenait Flora à ses anciennes expériences. Pour couper court à ce tollé de goguenardise, Flora décida d'agir en allant voir l'enchanteresse d'Agarondi, qui n'était autre que sa bonne fée, Ergane. La petite magicienne ailée coulait des millénaires heureux, avec ses sœurs, dans un immense champ de coquelicots au fond de la 3e clairière sur les terres linwoodiennes. Un an auparavant, la princesse ne se serait jamais aventurée si loin, à moins d'être accompagnée par sa garde de peur de se perdre. À présent, il lui suffisait de jeter un coup d'œil à la carte de ses ancêtres pour qu'elle retienne avec précision le parcours sans se préoccuper du reste. Elle aurait pu traverser les clairières les yeux bandés. Sa mémoire était plus étendue que tous les royaumes réunis. Après avoir traversé les jupons trempés, la rivière des quatre saisons, le chant des pierres qui chantent, elle entendit les lilliputiens hurrah ricocher sur les troncs des arbres. Elle arriva au seuil du champ de coquelicots en se demandant ce que cette petite tribu de magiciennes pouvait bien manigancer. Les enchanteresses étaient tout bonnement en train d'assister à une canne à kayak, une course étincelle. Les petites ailes frétillaient de plaisir. Les spectatrices avaient leurs séants posés respectivement sur deux rondins de bois. Elles étaient partagées entre deux équipes. L'une éparpillait les pédales de céreste, de chrysanthème et de grande mauve, tandis que l'autre escouade agitait frénétiquement des pétales de rose. Aléant et Orchange avaient pris la tête du peloton. Flora balaya du regard la foule frénétique dans l'espoir d'y apercevoir Ergan, qui officiait l'événement. Posée sur la ligne d'arrivée, elle attendait les concurrents qui battaient farouchement des ailes, zigzagant entre les obstacles. Les deux planeuses avaient les yeux rivés sur la ligne d'arrivée et semblaient concentrées sur les applaudissements de leur sœur. Flora se rapprocha doucement d'Ergan. L'effet était aussi grand que le pouce de la jeune infante. Maintenant qu'elle avait retrouvé l'enchanteresse, Flora attendit patiemment la fin de la course. Quelques minutes plus tard, les pétales de rose s'élevèrent dans le ciel azurin. Tandis que les pétales de céreste, de chrysanthème et de grande mauve tapissèrent le sol de la clairière, tristement. Rassénérée, Orchange reçut son prix en gloussant de joie. Un magnifique collier de bleuets. Son rôle terminé, Ergan tournoya autour de Flora comme une abeille folle. Puis elle se calma et se posa peinardement dans le creux de la paume de la princesse en lui demandant ce qui pouvait bien l'amener au pays des fées. Alors, Flora lui révéla sa colère contre les nobles des régions aux alentours, son impuissance vis-à-vis de leur moquerie dont son époux était le sujet favori. Ergan écouta très attentivement les tracasseries de Flora. Elle secoua légèrement la tête, ce qui fit tomber de la poussière magique sur le petit nez retroussé de la princesse, qui éternua bruyamment. Ergan s'esclaffa de rire. « Mille excuses, Flora, je ne suis plus aussi agile qu'avant. J'approche de mes 380 années. Malheureusement, je ne suis plus une petite apprentie. » « Ce n'est rien, répondit Flora, en repoussant gentiment les dernières myriades magiques. Une fois de plus, ma bienfaitrice, j'ai besoin de votre sagesse légendaire. » Justement, princesse, claironna Ergan, si Asgon vous a permis d'avoir un bel esprit, vous pouvez également lui transmettre votre beauté. Flora semblait perdue. Si cela était la vérité, pourquoi sa sœur cadette n'en avait-elle pas bénéficié? L'égarement de la princesse se lisait sur son sublime visage. Ergan ajouta « Mais à une seule condition. » Flora soupçonnait l'enchanteresse de lire dans ses pensées. « Laquelle ?»« Vous devez le souhaiter extrêmement fort. Autant qu'Asgon pour vous, et la transformation s'opérera naturellement. »« C'est tout ?» Ergan opina de la tête. « Mais pourquoi cela n'a pas fonctionné auparavant ?»« Simplement, ma chère Flora, parce que c'est la première fois que vous réalisez à quel point vous êtes attachée à lui réellement, et ceci malgré sa laideur. » Flora devait admettre qu'Ergan n'avait pas foncièrement tort. Elle se préoccupait sincèrement du bien-être de son époux. Elle tenait véritablement à lui, et elle était déterminée à tout pour le rendre heureux. Elle remercia chaleureusement Ergan pour ses éclaircissements et entama le chemin du retour. Le paysage était un ravissement pour les yeux des promeneurs. Elle se mit à se faufiler habilement entre les coquelicots, qui fredonnèrent à chacun de ses frôlements, sur leurs tiges dressées et hérissées de poils, une douce litanie. Par la même occasion, elle salua les jonquilles trompettes qui se dandinaient au rythme de la musique. Ces intrépides trompettistes accompagnaient toujours les pavots en leur demandant en chœur « Quelle est cette musique ?»« Celle du cœur. » »« Quel est ce murmure ?»« Celui de l'âme. » »« Quel est ce refrain ?» Celui de l'amour. Chapitre 5. Rancœur contre sœur. Flora appréciait cette fluidité naturelle en marchant sur les immenses tapis colorés que formaient les champs de fleurs visibles à des kilomètres. Une fois atteinte l'orée du bois, elle ralentit le pas et s'approcha du champ de pierre qui rouscaillait. Lorsque soudain, ses pieds décollèrent du sol. Brusquement, elle fut plongée dans les ténèbres, une cagoule sur la tête. Des bras puissants venaient de l'empoigner fermement. On la poussa violemment dans un fiacre. Elle sentit le contact d'une cordelette en lin cercler ses fragiles poignets. Ses ravisseurs la ligotaient. Elle tenta d'appeler au secours, mais aucun son ne parvint jusqu'à ses labiales. Flora était tétanisée. Son trajet dura une pérennité. Il régnait dans le petit habitacle un silence de mort. Quelques minutes s'écoulèrent, peut-être s'agissait-il d'heures, car sa cécité volontaire lui faisait perdre la notion du temps. Le fiacre stoppa sa course, et Flora crut entendre le hennissement des chevaux éreintés. Sans plus attendre, ses kidnappeurs la conduisirent dans un obscur cachot. Flora ne le savait pas encore, mais elle connaissait très bien les lieux. Elle n'y était jamais descendue, car l'absence d'escarmouches et d'affrontements avait fait oublier à ses souverains l'existence même de ces basses fosses. Mais c'était un fait, elle se trouvait à Lynwood. La réaction de Flora ne se fit pas attendre. La jeune princesse usa de mouvements agiles pour se libérer de ses liens. La cagoule dont on l'avait attifée gisait près d'elle sur le sol de terre battue. Elle expectora bruyamment, en s'efforçant de recracher les fibres de tissu restées au fond de sa gorge. La jeune princesse se redressa, furieuse. Elle fit abstraction de l'engourdissement qui affluait dans ses membres. Elle s'approcha de la porte. Les jointures de ses mains blanchirent au contact des barreaux métalliques qu'elle serrait rageusement. Invective, elle se mit à taper sur les murs délabrés. Elle cessa de se déchaîner jusqu'à ce que le désespoir la rattrape. Le contrôle de la situation lui échappait. Elle n'avait pas la solution de cette énigme. Soudain, elle se sentit sotte à nouveau. Flora tressaillit. Le froid nocturne était comme un hôte indésirable, dont les effets envahissants ne présageaient jamais rien de bon. De plus, l'unique fenêtre à meneaux ne disposait d'aucune huchette. Une odeur pestilentielle hantait le lieu. C'était un mélange de suint, de paille et de fleurs pourries. L'air gouléant circulait en contenu dans la geôle. Et pour couronner le tout, aucun mur n'était raccordé par des conduits à une fosse, ce qui signifiait l'absence totale de latrine. C'en était trop pour Flora, qui s'abandonna à un immense chagrin. « Ne gênez pas, princesse, vous n'êtes pas seule. » Accablée, Flora leva sa tête. Une luciole microscopique apparut. Elle se dandinait devant elle, à l'aide de son petit postérieur lumineux, en élaborant d'ingénieux épicycles. Flora tendit sa main, et Choupette apponta doucement dans le creux glacé de sa paume. « Merci, aimable amie Choupette, mais sans vouloir te vexer, je ne pense pas que tu puisses m'être d'un grand secours. » L'abdomen de Choupette se mit à scintiller de mille feux. « Le courage ne se mesure pas, princesse, mais il est vrai que je ne possède pas les pouvoirs de l'enchanteresse Ergane, que je vais de ce pas prévenir. » Pour la première fois, Flora esquissa un léger sourire. Choupette avait raison. Le courage ne se mesurait pas par la taille. L'amitié non plus, d'ailleurs. Depuis que la petite Luciole était à ses côtés, sa tristesse s'était volatilisée. « Tu ferais cela pour moi, Choupette ?» La lumière s'intensifia. « Naturellement, princesse, personne ne devrait être privé de sa liberté. » Et sur ce, elle fila comme une flèche en passant au travers de la fenêtre à meneaux. mais lorsque la lune rejoignit le ciel étoilé, elle entendit les pas béotiens de son geôlier. Cette manière d'avancer lui semblait presque familière, une démarche dont elle reconnaissait les enjambées, et qui n'était autre que ceux de sa sœur cadette. « Quel succube s'est emparé de l'âme de ma sœur !» soliloqua Flora. Depuis l'union de sa sœur avec le prince, Hilla avait imaginé les pires scénarios. Son sang bouillonnait comme la lave. Le bonheur qu'affichait sans vergogne Flora agaçait au plus haut point la jeune princesse. Elle avait le sentiment d'avoir été trahie et délaissée par celle qui aurait dû la protéger. Hilla s'approcha des barreaux en faisant tinter les clés. « Relâche-moi immédiatement, Hilla !» ordonna Flora. Hilla émit un petit rire grotesque qui ne faisait que rajouter une touche de laideur à son visage déjà disgracieux. Elle fixa son aîné un long moment, puis soupira, et avant de lui tourner le dos, répondit à sa question par un simple non, lâché entre les dents. Hilla remonta au château en empruntant l'escalier à vis. Décontenancée par l'attitude de sa sœur, Flora écoutait celle-ci monter tranquillement les marches triangulaires, comme les aiguilles d'une pendule sonnant sa disgrâce. Flora pensa un instant qu'Hilla avait perdu la raison, car ses intentions à son égard étaient claires. Rien de ce qu'avait ouï dire Flora ne l'aurait préparé à une telle déconvenue. Aucun mot n'était assez fort pour décrire la chose qui s'insinuait progressivement dans son cœur, comme une indescriptible nausée. Mais il était hors de question qu'elle croupisse dans ce trou infâme. « Pourvu que Choupette réussisse sa mission » songea-t-elle. Chapitre 6 La beauté de l'esprit humain. La fée Argane sommeillait paisiblement au creux d'une jolie rose blanche, lorsque soudain quelqu'un donna des effleurements aux pétales de ce petit diamant. Argane cligna des yeux et des ailes, simultanément, avant de quitter son petit nid douillet. Son dos était encore un peu roide comme la tige d'une pivoine. Argane connaissait toutes les créatures du pays des fées, mais fut surprise de voir débouler comme le vent Choupette, qui se posa au centre de son petit logis. C'est d'une voix endormie qu'elle demanda à la petite Luciole. « Que me vaut cette visite tardive, Choupette ?» Choupette ne semblait pas tenir en place. Elle fit un bref résumé à Argane en agitant son petit corps lumineux qui traversait la pièce en répandant de tous côtés une vive lumière. « Va vite rejoindre la princesse Choupette. Je vais de ce pas en informer Asgon. » Les deux amis s'envolèrent de concert dans des directions opposées. À Agarondi, dans les vastes couloirs du château, la lueur d'une lampe à huile vacillait. Asgon était très inquiet. Personne n'avait croisé Flora dans les couloirs ni ses appartements depuis plusieurs heures. Il craignait qu'un malheur terrible ne soit arrivé à sa bien-aimée. Et lorsqu'il aperçut la petite silhouette de la fée enchanteresse, ses craintes se fondèrent. Avant qu'il puisse ouvrir la bouche, Argane jaspina. « Flora est retenue prisonnière à Linwood, mon prince !» Le visage exsangue, Asgon porta la main à son baudrier, où l'ombre d'une longue lame d'acier aiguë attendait dans son fourreau. Il mourait d'envie d'oxyre ceux qui avaient osé s'en prendre à sa femme. « Allons, montre-moi le chemin !» que je puisse châtier ses coires. » Devant la colère d'Asgon, Argane hésitait à lui révéler l'identité du ravisseur, mais l'abcès devait être percé. La coupable n'est autre que sa sœur cadette. Asgon vacilla et perdit la notion du temps. Son esprit se laissa aller à de profondes cogitations. Comment avait-il pu être aussi naïf? Puis dans un souffle, il articula simplement. « Évidemment, c'est Hilla. » L'affaire se compliquait. L'inquiétude du prince allait croissant. Il devait agir vite. Sa lumière à la main, il chassa les ténèbres dans l'histoire d'y trouver un valet. La chose faite, il lui ordonna. « Ma voiture, vite !» Esgan espérait que la colère du prince s'amoindrisse avant leur arrivée à Linwood. Malheureusement, celle-ci était comme un masque qui lui glaçait le visage. Ils empruntèrent un passage secret qui les mena directement aux cachots étroits, sombres et humides. Lorsqu'Asgon aperçut la silhouette de son épouse, recroquevillée dans un coin de sa prison, Son cœur explosa. « Mon amour !» s'écria-t-il. Flora se redressa et délaissa sa paillasse, fondant en larmes en entendant la voix apaisante de son époux. « Asgon, tu es venu me sauver !» Leurs mains se lièrent à nouveau, comme si les barreaux métalliques entravant la liberté de Flora n'existaient pas. Asgon défit son épée de son fourreau et tenta de briser le verrou. Mais en vain, l'ouverture ne semblait pas souffrir des aléas du temps. Alors, Ergan utilisa sa magie. Elle joignit ses mains en formulant une incantation et les rouvrit en soufflant sur le loquet qui, vaincu, émit un léger grincement. « Na !» dit Ergan sur un ton victorieux en regardant la porte. « Moi non plus, je ne suis pas rouillé. » Exemptée de sa prison, Flora se jeta dans les bras de son époux. « Il m'a enfermé ici. Je dois la retrouver. » Asgon opina de la tête, mais les enjeux étaient importants. Cette querelle entre sœurs pouvait mener tout droit à un incident diplomatique entre leurs deux royaumes. « Je sais où elle se trouve à cet instant, et je m'en vais lui rendre une petite visite dont elle se souviendra pendant un long, très long moment. » Sans plus attendre, elle se tourna vers l'escalier à vis et entama des enjambées de quatre marches à la fois. Elle était suivie de près par Ergan, qui, pour rien au monde, n'aurait voulu manquer les retrouvailles d'un genre musclé, tandis qu'Asgon aurait tout donné pour ne pas être présent. Il connaissait la douceur de sa femme, mais il savait aussi que ses colères pouvaient être terribles. La salle d'honneur étincelait de mille feux. À cet instant, elle était réservée à un usage particulier, le bal. C'était une immense pièce marbrée, pavée de mosaïques, où les statues et les ornements étaient disposés avec un goût exquis. À son centre, de jeunes dandies et de jeunes soupirantes tournoyaient le temps d'une valse. Sur leurs trônes respectifs, le roi et la reine semblaient profiter des festivités. De chaque côté des trônes étaient disposés ceux des princesses. Hila était assise près de sa mère, les mains posées sur ses genoux, prostrée. Lorsque Flora la vit ainsi, toute la colère qu'elle avait ressentie s'envola. Sa peine était si réelle et si évidente qu'elle comprit les raisons de sa perfidie à son égard. Rien n'était plus triste que la solitude elle-même, une solitude qui lui avait été imposée, une solitude à laquelle on ne pouvait, hélas, échapper. C'était la jeune femme la plus seule au monde que Flora avait eu l'occasion de voir, et il s'agissait de sa sœur. Le cours de son destin avait été modifié, il en avait pas eu cette opportunité. Flora estima qu'une vengeance serait la dernière chose censée à commettre, et qu'Ila avait déjà bien assez souffert comme cela. Le temps était venu pour Flora de se conduire comme une véritable princesse. Elle demanda une dernière faveur à Ergan, qui fut un peu déçu par cette demande. Cette paix signifiait qu'elle n'aurait pas la joie de voir des dents et des cheveux postiches voler dans toute la grande salle. « Peut-être une prochaine fois, » soupira-t-elle. « Êtes-vous sûre, princesse, la moitié de votre beauté, cela sera irréversible. » Flora esquissa son dernier sourire, comme elle l'avait toujours fait. « Sciemment, car je sais que mon époux a découvert la véritable beauté de mon âme. » Ergan battit joyeusement des ailes. « Finalement, vous donnez un petit coup d'aile à Hila. » Flora lui fit un clin d'œil malicieux. « C'est tout à fait cela. Qu'elle fasse bon usage de ce présent. Un petit coup de baguette invisible, en somme. Le reste ne dépend plus que d'elle. » Ergan tourna le dos à Flora, survola les convives et se planta devant une flèche devant Hila, et ne put s'empêcher de lui murmurer. « Tu as été une très vilaine princesse, Hila. » Le roi et la reine ne remarquèrent même pas la présence de la fée, absorbée par le spectacle. Hila, saisie par la peur, n'osait bouger. Son visage n'oscillait pas, mais son regard balaya la pièce et son sang quitta ses veines quand elle aperçut sa sœur et Asgon au seuil de la salle. Son esprit se mit à fondre comme neige au soleil. Ses pensées tourbillonnaient trop vite. Mais Ergan la rassura sur l'éventualité d'un courroux et lui demanda simplement de fermer les yeux. « Pourquoi ? Si je ferme les yeux, que va-t-il m'arriver ?»« La bonne question est, Hila, et si en ouvrant les yeux, le monde qui est le mien sera différent ?»« Pourquoi et comment ?»« Garde les yeux ouverts, demeure ainsi toujours et tu ne le sauras jamais. » Ferme les yeux, puis rouvre-les, et accepte le fait de te faire confiance. Choisis. Sa réponse fut un abaissement progressif de ses deux lourdes paupières. Ergan soupira. Ce n'est pas trop tôt, soliloqua-t-elle. L'enchanteresse savait que ses cours avec la mater, leur mère à toutes, lui serviraient un jour. Quand il a rouvri les yeux, une pluie de poussière étoilée enveloppait la globalité de son visage, en forme de cœur. Pour la première fois de sa jeune vie, il a ressenti une sérénité. Son âme sombre s'était évaporée. Une douce lumière apparut sur ses traits. Elle s'étalait comme un baume apaisant. Ses expressions s'affinèrent, sa peau retrouva un grain sublime, aussi douce qu'une peau de nouveau-né. Quelques taches de rousseur éclatèrent, ici et là, sur un joli nez en trompette, et ses lèvres, d'un pourpre vif, esquissèrent le plus merveilleux des sourires angéliques. Ergan l'invita à s'admirer devant l'un des conseillers des grâces, un somptueux miroir en étain qui ornait discrètement la grande salle et qui la fuyait habituellement comme la pire des pandémies. La ressemblance avec Flora était flagrante. Hila n'osait y croire. Baignant dans le halo lumineux, les convives applaudirent une nouvelle fois la performance d'Ergan qui s'inclina avec déférence. Flora tendit les bras à sa cadette, qui, rongée par la honte, ne savait que faire. « Pourquoi m'as-tu aidée, Flora ?» demanda intriguée Hila. Flora éclata de rire en songeant que même avec l'esprit vif, sa sœur cadette avait tendance à oublier l'essentiel. « Petite sotte, » répondit-elle, en lui touchant tendrement le bout de son petit nez en trompette. « Parce que tu es ma sœur et que je t'aime !» Convaincue et les larmes au bord des yeux, elle sauta au cou de Flora. « Moi aussi, grande sœur, pourras-tu un jour me pardonner cette vie, Lenny ?»« Que nenni ! » s'exclama Flora sur un ton faussement cruel. « Pourquoi ?»« Parce que sinon j'oublierai que les erreurs sont nécessaires, qu'il y a du bon à se tromper. » Qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et que le lait peut être d'une beauté magique. Ascon était fier de Flora, dont le charme du cœur valait celui de son apparence. Ils célébrèrent la renaissance d'Hila et la réconciliation des deux sœurs en dansant et en riant jusqu'à ce que le soleil étire ses délicieux raies de lumière sur les beaux paysages boisés du domaine de Linwood. Épilogue. Un jour, dans une contrée lointaine, au-delà des îlots de terre nue, des champs de blé et d'orge et des vastes cités, un jeune prince eut vent qu'une jeune princesse, au bel esprit, vivait dans un château protégé par les bois, un royaume qui communiait avec Dame Nature. Cette aubade sonnant comme une romance avait pour titre « Hila ». Ainsi, le jeune souverain décida de traverser les îlots de terre nue, les champs de blé et d'orge, ainsi que les vastes cités, pour voir si cette aubade, au son si familier, lui était bien destinée. Souhaitons-leur une belle histoire. Fin. Ergan, enchanteresse du royaume d'Agarondi. Demeure, troisième clairière sur les terres de Linwood. Spécialité, enchantement, potion, magie blanche, ouverte après les 12 heures de sommeil réglementaire.